le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire, car fou de sentimental, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Fou de sentimental, il faut voir comme on nous parle. D'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner dès qu'on est né, pour des cons alors qu'on est des fous sentimentales. Avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, des choses pas commerciales. Fou sentimental, il faut voir comme on nous parle. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravagea la mouquère. Du ciel dévale un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Sentimental, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Fou sentimental, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle.